Moi, j'ai le sentiment que le scoutisme est en train de quitter 100 ans de préhistoire pour peut-être, pour peu qu'on soit tous mobilisés, servir à quelque chose. Je pense qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser un petit peu à ce qu'est l'éducation populaire, le scoutisme arrive très vite. Expliquer le scoutisme en 10 minutes, ça se fait. Expliquer le scoutisme en deux phrases, c'est très compliqué. C'est pour, sans doute ce qui crée un peu d'incompréhension autour du scoutisme. Moi, je suis prof, donc souvent, quand on est prof, qu'on débarque dans sa classe en début d'année, on dit aux enfants, bah, tu fais quoi en dehors de l'école? Et jamais il y en a un qui m'a mis scoutisme sur son papier. Bah, tu vois, moi, j'aimerais bien que dans quelques années, la moitié de ma classe, elle mette la case scoutisme. Lorsqu'on rencontre des gens, la plupart nous disent, ah, mais moi, j'ai été scout dans ma jeunesse. Et là, moi, je réponds, bah oui, je comprends alors pourquoi tu es à cette place-là aujourd'hui. Parce que quelque part, c'est former des jeunes à la gestion de projet, former des jeunes à travailler en équipe, former des jeunes à être responsable, former des jeunes à savoir tenir un porte-monnaie, un portefeuille, une trésorerie. C'est tout ça le scoutisme. C'est pas que vivre dans les bois et puis aller chanter des chansons autour d'un feu de camp. C'est toute cette éducation. La famille, c'est une petite cellule. Et l'entreprise, c'est une énorme cellule. Et pour un jeune adulte, une expérience scout, c'est comme avoir une occasion d'avoir une cellule entre les deux, une communauté qui vient faire une communauté de transition, qui va te donner un peu plus de responsabilités qu'en famille, mais pas autant qu'en entreprise, où tu vas avoir le droit de faire des erreurs, où tu vas avoir le droit de te roder, et en même temps où il va y avoir une culture de la débrouillardise, de la bienveillance, où en fait, ça va te donner le champ libre pour découvrir qui tu es. Il y a mille manières d'être scout aujourd'hui, quel que soit notre temps, notre âge, notre fonction. Il y a plein de choses à faire. Si on avait à enfermer la priorité du scoutisme en une phrase, c'est contribuer à rendre le monde meilleur, le faire dans l'enthousiasme et dans la confiance, et soi-même bien comprendre que c'est en étant heureux qu'on mobilise les autres. Et donc cet appel au bonheur, cet appel à l'engagement, c'est ça le scoutisme. Merci d'avoir écouté la bande-annonce de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque, une série audio documentaire consacrée à ce grand mouvement de jeunesse, le scoutisme, mal connu et pourtant plein de promesses pour notre monde des années 2020. Alors découvrez toutes les voies de cette aventure en écoutant les 13 épisodes, ils sont tous disponibles sur votre application de musique ou de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google ou Apple Podcast, SoundCloud et même YouTube. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, hébergé sur archive.org et distribué par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel. Et dans cette bande-annonce, vous avez entendu dans l'ordre les voix de Gilles, Maë, Nicolas, Roxane, Abdelak, Béatrice et Lily. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire. Dans le premier épisode, un général anglais transforme des méthodes de renseignement des années 1900 en mouvement éducatif mondial. Vous en connaîtrez un peu plus sur l'origine du scoutisme.